Hein, bunk bunk. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Écoute. On a tous des histoires, et ne mens pas, t'aimerais que tout le monde voit. Combien t'as mal, combien la vie s'est acharnée sur toi. Dans ton malheur, t'oublies celui des autres. La terre tourne autour de toi, c'est pas si mal jusqu'au jour où tu te vautres. C'est dans ta chute que tu verras qui est vraiment sincère. Tout perdre, c'est triste, mais bon, des fois ça sert. Donc ne cherche jamais à plaire, c'est tout. Un jour tu perds la vie, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Des sourires ou des larmes, dis-moi si toi t'y penses parfois. C'est le physique nous sépare, au fond on est sûrement pareil. On se couche tard, on se lève tôt, c'est comme ça qu'on fait de l'oseille. Je réfléchis un peu comme Freud, à rentrer dans la tête des gens. Car par ici, même un agneau peut devenir méchant. Les belles promesses deviennent pires que des chants. Rentre dans la tête, on n'oublie pas, c'est ça le plus gênant. On se réfugie dans l'amour, à la recherche d'une âme sœur. Pas grand chose aux alentours, doucement les sentiments meurent. Tu souris quand il fait jour, et après minuit tu pleures. Mais t'as des gens qui t'entourent, je comprends pas de quoi t'as peur. Y'a rien de pire que la solitude. Quand t'es tout seul face à tes pleurs, y'a des fois c'est rude. On est que des hommes, des enfants à la base. Donc c'est normal, tu sais, d'avoir des fois quelques incertitudes. C'est dans les yeux des gens qui t'aiment que tu vois ton reflet. Tu veux te connaître, ben demande un des refrains. Même ton ennemi peut t'en dire plus sur tes propres faiblesses. Sois pas surpris, c'est ceux qui te sucent qui savent comment on te plaise. Alors c'est ça la vie, c'est soit on se bat pour soi-même, soit on se fait bouffer par l'autre. Je veux pas laisser un sale rapace profiter de mes fautes. Si je les épargne, ils m'écrasent, alors direct je les saute. Hey. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Et je sais même plus ce qui compte vraiment. Vu que chaque chute est un apprentissage. Je sais plus trop quand atterrir maintenant. Quand les souvenirs deviennent des images. Là je me rends compte qu'on a tous pris de l'âge. J'apprends à sourire parce que je deviens sage. Mais je ressens toujours les effets de la rage. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Et je sais même plus ce qui compte vraiment. Vu que chaque chute est un apprentissage. Je sais plus trop quand atterrir maintenant. Quand les souvenirs deviennent des images. Là je me rends compte qu'on a tous pris de l'âge. J'apprends à sourire parce que je deviens sage. Mais je ressens toujours les effets de la rage. Le matin la même routine, c'est soit le taf soit le stud. Besoin d'avoir des rêves, 35 heures pour zéro thune. Pardon je vois les choses en grand. Pendant que les autres dorment, moi j'ai déjà 24 ans. Encore un gosse hors de la norme. Je te demande pas de me comprendre, j'sais même pas si t'en es capable. Le plus silencieux d'entre vous c'est toujours le bon coupable. On assume rien, on rejette la faute sur les autres. Incapable de s'assumer, donc je m'étonne pas que certains pètent un câble. Je me sens obligé de faire semblant. Juste un sourire et les bâtards sont contents. Pour prendre mon destin en main, j'attends pas 30 ans. Vous êtes des trimards sans un rêve, j'sais pas ce que t'attends. Je regarde mes collègues de taf, endormis par un contrat. Certains mériteraient des baffes, je les regarde haut en bas. J'attendrai pas que la CAF arrondisse mes 22 mois. Oh, je dois faire tout seul mes faves, j'ai trop dormi dans le froid. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Et je sais même plus ce qui compte vraiment. Vu que chaque chute est un apprentissage. Je sais plus trop quand atterrir maintenant. Quand les souvenirs deviennent des images. Là je me rends compte qu'on a tous pris de l'âge. J'apprends à sourire parce que je deviens sage. Mais je ressens toujours les effets de la rage. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Et je sais même plus ce qui compte vraiment. Vu que chaque chute est un apprentissage. Je sais plus trop quand atterrir maintenant. Quand les souvenirs deviennent des images. Là je me rends compte qu'on a tous pris de l'âge. J'apprends à sourire parce que je deviens sage. Mais je ressens toujours les effets de la rage. J'ai vu la chute avant l'atterrissage. Et je sais même plus ce qui comptait vraiment. Vu que chaque chute est un apprentissage. Je sais plus trop quand atterrir maintenant. Quand les souvenirs deviennent des images. Là je me rends compte qu'on a tous pris de l'âge. J'apprends à sourire parce que je deviens sage. Mais je ressens toujours les effets de la rage. Bunk bunk.